Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et comme à l'habitude, je serai un des deux animateurs de cette belle émission sur l'automobile. L'autre, c'est mon ami, collègue et cueilleur de pommes, Marc Bouchard. Salut Marc! Excusez-moi, je l'avais tellement pas vu venir celle-là! Mais là, c'est ça que t'es allé faire. Enfin, t'es allé le mardi, mercredi avec Nissan, là, puis t'es allé cueillir des pommes avec un titan. Bon, je pense que c'est un petit peu exagéré la grosseur de camion pour aller cueillir 5 à 10 pommes, là, mais bon, j'imagine que c'était quand même une belle sortie. Tu vas nous parler de ça un petit peu plus tard, là, mais oui, je t'appelle cueilleur de pommes aujourd'hui. Là. Alors oui, bien écoutez, bonjour mesdames et messieurs. Effectivement, je suis allé cueillir des pommes et faire plein d'autres choses qui ont rendu mon ami Luc jaloux au cours des derniers jours avec effectivement le Nissan Titan. Oui, c'est ça. Chose un peu dommage, c'est que j'avais été invité par Nissan, j'étais supposé y aller, mais bon, vu que chez nous ça bouge un peu, j'ai pas pu prendre le 2 jours pour aller là-bas, là. Mais la prochaine fois, je me reprendrai. Écoute, on te pardonne, il faut préciser aussi que déjà que tu sois là, je suis très heureux, très fier de toi, mon ami, parce qu'il faut préciser qu'au moment où on enregistre, c'est la journée de fête de ton épouse. Oui. Et que tu as décidé de prendre quand même du temps pour venir avec nous co-animer cette émission-là. Ben oui, mon épouse travaille ce matin, fait que ça nous donne le temps d'enregistrer l'émission. Puis elle vient après-midi, je vais aller dîner avec. Je vais aller dîner avec ce midi en tranquille, en tête-à-tête. Puis après ça, ben, on a la soirée tout ça. Donc sa fête va être un petit peu plus tard dans la journée. Juste avant de commencer. J'espère que tu vas lui faire un repas, là. Oui. C'est moi le cook ce soir. Okay, mais tu peux faire d'autres choses que de la poutine, by the way. Ben, je fais un Kraft Dinner saucisse vraiment à tomber à terre. C'est merveilleux. Ah, écoute ça. Avec du fromage en tranche, bien sûr, par-dessus pour compléter le tout. Oui, c'est sûr. Juste pour que ça paraisse plus fromagé. Alors, bienvenue à cet épisode de gastronomique de Ça roule Radio. gastronomie de chroniqueur automobile. Après ça, ben, Marc, on a nos essais routiers. Toi, tu vas nous faire l'essai de la Prius. Ce qui est intéressant de la Prius cette fois-là, et pourquoi je veux vous en parler, c'est que je l'ai pour quelques semaines, donc on va être en mesure de savoir si vraiment c'est si économique que ça. C'est bon. Moi, je vais aller dans quelque chose un petit peu plus puissant. Je vais parler de la Cadillac ATS-V que j'ai eu la chance et le privilège de conduire pendant une semaine. Puis après ça, on va vous parler tour à tour. Marc est allé chez Porsche pour conduire des Porsche là, pendant des journées de temps sur des belles petites routes sinueuses. Marc va nous parler de son expérience. C'est le Porsche Experience, je pense? Le Porsche Driving... le Porsche Performance Tour, que ça s'appelle. Puis moi, je suis allé chez Jaguar faire le Jaguar Performance Tour, je pense que ça s'appelle aussi, quelque chose comme ça. Donc, on va vous parler de ça tour à tour. On a été essayer des voitures quand même assez dispendieuses. Donc, Marc, on va commencer avec le Nissan Titan que tu es allé conduire. Je veux juste partir en disant possibilité qu'il n'y ait pas d'émission la semaine prochaine. Bon, comme vous savez, peut-être au printemps, mon gars s'est fait opérer. Bon, complications et tout ça. Il se fait réopérer la semaine prochaine. Donc, je ne serai peut-être pas disponible pour l'émission dépendant comment ça va. Donc, s'il n'y a pas d'émission, soyez pas surpris, mais on sera de retour la semaine suivante si tout va bien. Vous débarrasserez pas de nous de même aussi facilement, c'est sûr. Non, c'est ça. Ça sera pas si facile que ça. On va quand même revenir un moment donné. Donc, Marc, Nissan Titan, dans la région de Charlevoix, parle-nous de ça un petit peu. Ben, en fait, c'est un programme complet. C'est-à-dire que ce qu'on nous a fait faire, c'est qu'on nous a amené justement essayer la famille du Titan. Pourquoi je dis la famille? C'est qu'en fait, il y a 4 modèles différents du Nissan Titan. Ouais. On a beaucoup, beaucoup parlé de la version XD, qui est l'espèce de gros camion, en fait, Titan, mais il y a une version qui est plus standard, qui est la demi-tonne, là, le fameux 1500 qu'on connaît dans à peu près toutes les gammes de véhicules. Ouais. Et par la suite, ben, t'as le XD à essence, t'as le XD diesel, et t'as finalement le Pro 4X. Le Pro 4X, c'est la version, je dirais, la plus hors-route, la plus extrême, où on a apporté quelques modifications. Donc, ce qu'on a fait, et tu l'as souligné gentiment en entrée de jeu, c'est qu'on nous a amené dans la région de Québec et de Charlevoix pour aller essayer ces véhicules-là dans différentes conditions. Alors, le premier avec lequel je suis parti, c'est le Nissan XD Diesel. On le qualifie un peu de c'est comme un camion 2000. Tu sais, c'est pas un 1500, mais c'est pas un 2500. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes capacités de travail. Il est capable de remorquer dans différentes versions jusqu'à 12 000 livres. Capable d'avoir jusqu'à 2 000 livres de transport dans la boîte arrière, ce qui est quand même pas rien. Mais en même temps, c'est un moteur diesel, donc avec l'économie de carburant qui va avec. En général... Puis aussi le pouvoir de tirer, le remorquage va être pas si pire avec un diesel. Oui, oui, le remorquage, c'est ça, ça je te dis, il va jusqu'à 12 000 livres. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment l'avantage, en fait, c'est le couple qui est excessivement abondant, ouais. Parce que comme tous les véhicules diesel au monde, ça fait partie des choses que l'on considère quand on prend un véhicule diesel. Là. Ouais. C'est, on part puis on a l'impression que toute la puissance est disponible dès le démarrage. C'est vraiment le cas avec le Nissan Titan. C'est bon. Ce qui est généralement un bémol sur un moteur diesel, par contre, puis ça tu le sais, Luc, on a beau faire tout ce qu'on voudra, c'est quand même le son. Ouais. En général, c'est des moteurs assez bruyants et on n'est pas nécessairement capable de calmer ce son-là. Or, on a vraiment bien fait le travail chez Nissan de ce côté-là, puisqu'on a réussi à insonoriser énormément à la fois la cabine. Donc, on a mis, par exemple, un pare-brise laminé à l'avant, ce qui est pas rien. Et on a mis ensuite toute une structure à l'intérieur. On a multiplié l'insonorisation. Donc, à l'intérieur, tu as vraiment un habitacle qui est totalement silencieux. Mais je me disais, le moteur va faire du bruit pareil. Alors, dans ma... T'sais, tu connais ma grande conscience professionnelle. Bien sûr. Fait que j'ai décidé de m'arrêter chez Tim Hortons, au service à l'auto. Parce que, généralement, quand je vais là avec un camion diesel ou avec un véhicule qui fait trop de bruit, la petite caissière n'entend pas ma commande. Ouais, OK. Alors, évidemment, dans ce cas-là, on a réussi quand même à présenter la commande sans trop de difficulté. Et vraiment, il s'est avéré silencieux. Et j'ai demandé à la jeune fille, est-ce que vous entendez quelque chose? La réponse a été non. Alors, je fais bien des blagues, mais effectivement, quand on est à l'extérieur du diesel, c'est vraiment extrêmement bien fait. De ce point de vue-là, c'est très, très silencieux. Là, tu as-tu demandé de remplir la boîte arrière de Timbit ou... Non, quand okay. même, je m'attendais. Par la suite, on s'est rendu justement à l'île d'Orléans, où là, on nous a présenté, justement, c'est là qu'on est allé aux pommes, effectivement. On est allé cueillir quelques pommes, ce qui fait qu'on en a mis un espèce de ballot complet dans la partie arrière. Et là, on s'est retrouvé avec près d'à peu près 1000 livres de pommes qui étaient dans le véhicule. OK. Écoute, honnêtement, c'est comme si le camion avait rien eu. On a fait une quarantaine de kilomètres en traînant ce poids-là dans la boîte. Vraiment, la beauté de la chose, c'est qu'on a ressenti que les suspensions étaient écrasées un peu. Donc, ça donnait même une meilleure tenue de route. En fait, il était moins sautillant que lorsqu'il était complètement à l'aise. OK. Ah ouais. Bon, c'est normalement, c'est ça, les camions, c'est que si t'as rien dans la boîte en arrière, ça saute un peu, mais aussitôt que tu mets un peu de poids, ça se stabilise, puis c'est beaucoup plus confortable. Et là, avec le 800 livres, 800 quelques livres de pommes qu'il y avait là, honnêtement, le camion s'en est jamais ressenti. Okay. Une fois rendu là, on a changé de véhicule, on a pris le XD à gaz, là, avec un V8 5.6 litres, qui fait 390 chevaux quand même. Et on est parti, et là, on s'est rendu jusqu'à Baie-Saint-Paul. Alors, évidemment, tu as une idée du genre de côte qu'on a dû affronter. Ouais, ça peut être facile, ouais. Non, mais honnêtement, le camion s'est quand même fort bien comporté. Le lendemain, ce qu'on nous a fait faire, c'est qu'on nous a remis au volant du diesel, mais là, on a accroché derrière une remorque de 6000 livres. Ben, même presque 7000 livres. En fait, c'était une espèce de grosse remorque fermier à l'intérieur de laquelle on avait caché une Nissan Micra de course. Ah, OK, ouais. Donc, on a réglé ça. Et on est parti, et on est justement allé dans la région de Baie-Saint-Paul, là où il y a cette immense côte. Les gens qui sont familiers avec le coin vont la reconnaître, là. C'est celle que l'on descend en arrivant dans la ville. C'est très long. Et nous, on est arrivé là avec notre 5000 livres en arrière, en remorquant. Et l'ingénieur qui était avec moi m'a mis au défi, il dit, écoute, là, c'est pas compliqué, tu mets le pied dans le fond, t'appuies sur le mode remorquage, tu vérifies que tes freins sont comme faux, tu mets le pied dans le fond, puis tu lâches quand t'es rendu inconfortable. OK. Mais en côte... Ouais. En montant, avec 7000 livres derrière moi, j'ai été capable de dépasser la vitesse permise et de dépasser des berlines qui montaient la même côte. Quand même pas super. Et tout ça avec un régime moteur qui est aux alentours de 3000 tours. OK, ce qui n'est pas excessif. Alors, c'est vraiment pas excessif. Ouais. Le moteur ne travaille pas si fort que ça, donc assez puissant, pas mal de couple, hein, c'est quand même bien. Ah non, vraiment, c'était surprenant. C'est sûr que la consommation de carburant, elle, était à la même niveau, au même niveau que ma pédale d'accélérateur, c'est-à-dire dans le tapis. Ouais, ouais. Mais n'empêche que pour une courte période, j'ai été capable de vraiment faire un remorquage qui était vraiment d'une facilité incroyable. Okay. Pour faire ça, en fait, il faut préciser qu'on avait aussi, on a rigidifié le châssis, évidemment, on a fait quelque chose de plus, on a fait une infrastructure solide avec la version XD. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a aussi, je l'ai dit tantôt, une version 1500 que j'ai testée par la suite. Ouais. La version 1500, même si le look est le même, elle a de commun avec la version XD, l'ingénieur disait, ils ont deux boats de pareil. OK, le restant, c'est différent. Tout le reste est différent. Donc, évidemment, le 1500, on le sent beaucoup plus léger, on le sent beaucoup plus maniable, il est plus facile à contrôler et c'est plus le véhicule que l'on achèterait tous les jours. Ouais, c'est ça, donc, c'est le compétiteur direct au F-150, au Silverado, des choses comme ça. Là. C'est comme le camion monsieur, madame, tout le monde. Exactement. Et, bon, on a fini la journée au massif de la Petite-Rivière-Saint-François. Là, on nous a mis au volant d'un Pro 4X. Pro 4X, là, auquel on a ajouté, par exemple, un contrôle de descente, un différentiel que l'on peut verrouiller en arrière. On a augmenté un peu la garde au sol de 20 mm. On a mis une plaque de protection en dessous. Et on nous a envoyé nous promener dans un petit peu dans la montagne du massif. Et là, bon, on est allé, on est revenu. Écoute, c'était pas très excessif comme hors-route. Ça a quand même fait la job, mais c'était pas concluant. En fait, ce que tout ça m'a permis de réaliser, c'est que la famille du Nissan Titan a atteint un nouveau niveau. Est-ce qu'elle est meilleure que les versions américaines? Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire parce qu'évidemment, nos tests n'ont pas permis de le faire. Ce qu'elle m'a permis de savoir, cependant, c'est qu'on est probablement au même niveau que les camionnettes américaines. Et ça, pour une camionnette japonaise, c'est probablement une première. Ouais, ouais. On arrive vraiment avec un véhicule qui est solide, que tu sens solide, qui est bien assemblé, qui est bien équipé, qui est bien outillé, et qui est capable de fonctionner et d'offrir un élément de travail intéressant. Alors, à partir de là, moi, je pense que le Nissan Titan a atteint sa mission. Évidemment, on nous a fait un petit show, on l'a attaché en avant d'une locomotive de 72 000 kilos, puis on l'a tiré avec le camion. Là. Toyota a fait la même chose avec la navette spatiale, si tu te rappelles. Oui, oui, oui. Mais tu sais, ça veut rien dire. Sauf que pour l'usage tous les jours, pour les gens qui ont besoin d'une camionnette, je pense que c'est une option intéressante et que ça peut être un rival intéressant aux versions américaines. Reste à voir maintenant ce que ça va donner en termes de durabilité, mais ça, honnêtement, je peux pas vous le dire tout de suite. Oui, c'est ça. Puis surtout, je pense pas que le nom Nissan Titan vient en tête de liste quand le monde vont s'acheter un pick-up, vont se magasiner un pick-up. Non, puis tu sais, Nissan est assez honnête de dire, écoutez, il s'est vendu 140 000 Ford Série F. On pense pas se rendre là, mais on pense qu'on peut être une alternative intéressante, et c'est ça, et c'est comme ça qu'ils veulent maintenant se présenter. Avant, ils présentaient le Titan comme étant un véhicule familial. Maintenant, ils veulent vraiment se présenter comme une alternative intéressante aux camionnettes, et honnêtement, ils ont prouvé que la capacité de travail était là pour le faire. On verra ce que ça va donner dans l'avenir. Bon, c'est bon, on verra, comme tu dis, on verra ce que ça va donner côté vente dans les prochains mois, voire au bout d'une année, là, voir comment est-ce qu'ils ont réussi à en vendre au Canada. Exactement. Super, donc Marc, on va faire une petite pause, puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour et c'est l'heure de nos essais de la semaine. Marc, tu as essayé quelque chose d'assez écologique que tu as pour quelques semaines, comme tu nous as dit, la Toyota Prius. Oui, monsieur, Toyota Prius que j'ai encore dans ma cour et que je conduis depuis 2 semaines et que je vais conduire pour encore 2 ou 3 semaines. L'idée, en fait, c'est que moi, j'avais essayé la Prius au lancement à Vancouver et j'avais conduit la Prius pendant quelques jours à Montréal. Je trouve ça super intéressant et c'est une voiture qui vraiment, que j'aime beaucoup dans sa façon d'être. Okay? Je trouve que pour ce qu'elle est, elle est vraiment bien faite et la nouvelle, la version 2017, est définitivement plus performante. Sauf que, tu sais comme moi, qu'en quelques jours, ben on n'est pas nécessairement dans la vie quotidienne tout le temps. Ouais. Surtout moi, bon, j'ai un horaire un peu flayé. Alors, souvent, les essais que je fais au niveau de la consommation de carburant, notamment, c'est moins évident parce que plus difficile à justifier. Ouais. Tu sais, si je pars 3 jours dans la semaine et que je laisse l'auto stationner à l'aéroport pendant 3 jours, tu comprendras que ça, j'arrive pas avec la même moyenne que toi, par exemple. Non, tu ne bouges pas pendant ce temps-là, fait que tu peux pas monter ou descendre ta consommation. C'est moins réaliste. Là. Exactement. D'où l'idée de demander à Toyota d'avoir une Prius pour un petit peu plus longtemps parce que je voulais la tester vraiment dans ma vie de tous les jours. Et ça veut dire faire des longues randonnées, comme faire un aller-retour à Québec, par exemple, pour aller justement prendre part au Nissan Titan. Aller à Montréal, me promener dans la ville pour aller faire mon épicerie. Donc, vraiment, utiliser cette voiture-là comme la voiture familiale. Honnêtement, j'aime et je déteste la voiture. Ah, OK. Mais en fait, il faut dire que elle est un peu victime de son design, OK? Ouais. Le nouveau design, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'avoue que je m'y suis habitué. Je la trouve plutôt jolie, en fait, maintenant, quand je la regarde. Et honnêtement, elle a vraiment attiré l'attention. Il y a des gens qui viennent dans ma cour pour venir voir c'est quoi cette auto-là, comme quand j'ai des voitures exotiques, là. OK. Vraiment, j'ai été surpris, là. Il y a des gens qui sont venus faire des demi-tours dans ma cour pour voir c'était quoi la voiture que j'avais. Bon, ça, c'est peut-être juste parce qu'ils savent que tu es journaliste automobile et tu as une auto tous les semaines dans ton entrée. Fait qu'ils ont décidé. Oui, mais ils font pas ça chaque semaine. OK. Ouais. Ils font pas ça chaque semaine. Alors, tu sais, c'est vraiment particulier comment ça a attiré les regards. Le problème, en fait, c'est que ce design-là, ben, on a quand même conservé certains des éléments de l'ancien design, notamment l'espèce de haillon vers l'arrière. Ouais. Et ça, en termes de visibilité, c'est probablement la pire initiative qu'on pouvait faire. Okay. Quand tu l'essaies une journée ou deux, tu t'en rends pas trop compte. Quand tu fais juste de l'autoroute, tu t'en rends pas trop compte. Mais quand tu t'en sers tous les jours, que tu as l'espèce de vitre en arrière qui est divisée en deux, c'est pas super le fun. Des matins comme ce matin où il y avait un petit frima dans la fenêtre, c'est le fun. En haut, il y a un dégivreur qui te permet de bien voir. La partie en bas, il y en a pas, tu vois moins bien. Bref, c'est pas nécessairement aussi... On s'y habitue, on s'y fait, mais c'est quand même particulier. Ouais, mais c'est beaucoup de donc, voitures sont comme ça. On dirait que les constructeurs commencent à se fier un peu trop sur le fait qu'il y a des caméras de recul pour les vitres arrière. Mais là, vraiment, on avait le même principe dans l'ancienne Prius, ouais. On l'a conservé. C'est la même affaire. Écoute, j'ai déjà eu une Aztec, je l'ai déjà dit. C'est pas mon meilleur coup d'envie, mais je l'ai déjà eu. Et tu avais ce même problème-là où le haillon est divisé par le milieu par une espèce d'aileron. Là. Bon, ouais, c'est ça. C'est la même chose avec la Prius. Alors okay. Ça, c'est un des problèmes. Autre élément, j'étais sous l'impression que j'avais la Prius Tech, la Prius Technologie, qui n'est pas la plus haut de gamme, mais l'avant-dernière, et qui est la mieux équipée avec un système, bon, les détecteurs d'angle mort et tout. Mais j'ai pas de siège chauffant. Non, yeah, OK. Siège de cuir, pas de siège chauffant, des petites journées fraîches comme aujourd'hui. Quand ma femme s'est assise avec sa petite jupette puis ses petits bas de nylon, elle a trouvé ça moins le fun. Ouais. Ben, tant qu'à avoir des sièges de cuir, pas chauffant, j'aime autant avoir des sièges de tissu, franchement. Exactement. Ouais. Et je croyais vraiment que ça faisait partie de l'ensemble technologie. Ah, c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé le bouton, mais ça fonctionne pas. D'un autre côté, la vraie raison pour laquelle on achète une Prius, c'est pour sa motorisation hybride. Et là, évidemment... De ce point de vue-là, j'ai absolument rien à redire. OK? C'est un petit moteur 4 cylindres, 1.8 litres, 95 chevaux, qui est jumelé à un moteur électrique, 71 chevaux à peu près là, d'équivalence, avec une boîte CVT. Ça peut sembler un peu ennuyeux comme rouage, mais honnêtement, quand on le met en mode power, là, parce que tu as un mode éco puis tu as un mode power, ouais. Quand tu le mets en mode power, les accélérations sur la route, sur autoroute, notamment pour entrer, sont vraiment surprenantes et ça fait un bon boulot. En ville, évidemment, ça se conduit de façon très doucement. C'est pas l'affaire la plus trilante au monde à conduire, on s'y attend, là. C'est vraiment assez sobre dans la conduite, mais ça se faufile bien. Honnêtement, comme véhicule urbain, je trouve ça très, très, très intéressant. On nous annonce une consommation de 4,4 litres au 100. Jusqu'à maintenant, je suis obligé de te dire que j'ai fait 4,8. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup d'autoroutes. Comme je te dis, j'ai fait entre autres l'aller-retour Québec en deux jours. J'ai fait beaucoup d'autoroutes. Alors, c'est peut-être pas fiable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin. Mais dans l'ensemble, la première impression que j'avais eue au moment où j'avais essayé la voiture à Vancouver, où je disais c'est une voiture qui est moderne, qui est intéressante et qui est nettement plus dynamique que l'ancienne génération, ça s'est confirmé. Et jusqu'à date, je suis très satisfait. Mais évidemment, je réserve ma conclusion finale pour dans quelques semaines. OK, tu vas nous en reparler pour dire si tu conseilles ou ne conseilles point l'achat. Mais une Prius, ça reste une Prius. Ça reste une des voitures oui, les plus populaires là, chez Toyota. Moi, je te dirais que je conseille l'achat dès le départ. Je peux te dire que je conseille l'achat. Est-ce qu'elle atteint les objectifs qu'on nous a promis? Ça, je vais être obligé de te confirmer ça dans quelques semaines. Mais pour le moment, je conseille quand même l'achat. C'est quand même une voiture. Pour quelqu'un là, qui cherche une voiture économique, écologique et relativement confortable, je pense que ça fait tout à fait le travail. Non, c'est bon. Toi, t'es allé dans le côté un peu plus excessif, par contre. Ouais, quelque chose un petit peu plus... mettons, la Cadillac qui n'est pas la Cadillac de votre grand-père, hein, mettons. Cadillac ATS-V 2016... je dois avouer, en partant, là, je vais vous dire, c'est la voiture la plus excitante que j'ai conduite à date. Puis j'en ai quand même conduit pas pire, là, mais comme voiture de presse que j'ai eue pendant une semaine de temps, c'est pas mal l'ultime que j'ai eue à date. Là. On parle d'une voiture excessivement puissante, on parle d'un moteur V6 de 3,6 litres, je me rappelle bien, avec double turbo. Ça développe comme 464 chevaux, 445 livres-pieds de couple. Propulsion. C'est une voiture qui a un agrément de conduite vraiment, vraiment extrême, là. C'est le genre où le 0 à 100 est excessivement rapide et si vous avez besoin de dépasser, c'est vraiment pas long. Comme je disais à la blague à des collègues au bureau, c'est un peu comme si tu roules à 50 km/h puis il faut que tu embarques sur l'autoroute dans une bretelle, tu écrases l'accélérateur et là, tout d'un coup, les étoiles se transforment en lignes et puis analogie à Star Wars. C'est ça, tu regardes trop Star Wars, toi, ça ouais. Marche pas, là. Mais c'était vraiment extrême comme accélération. C'est une voiture qui est vraiment, vraiment puissante, vraiment agréable à conduire. Puis si on accélère vraiment, franchement, là, on se sent collé au siège. Marc, tu le sais, tu l'as eu, la TSV. C'est une voiture incroyable. Je pense, présentement, à part peut-être la Corvette que j'ai pas conduite, c'est probablement la meilleure voiture sur dans la flotte de GM présentement, côté confort, côté design. Le look de la voiture est juste incroyable. Une ATS, c'est déjà pas laid en partant. Si vous avez vu la pub à la TV de l'ATS, l'ancienne pub, présentement, ils présentent juste l'ATS parce que bon, il y a comme une promotion dessus pour l'achat ou la location. Mais avant, ils présentaient l'ATS comme étant la nouvelle berline de Cadillac. Puis ils montraient aussi berline ou coupé parce qu'elle est disponible dans deux versions. Puis ils montraient l'ATSV, il disait avant l'ATSV, il y avait l'ATS, puis là, tu sais, il montre l'ATSV à la télévision. C'est vraiment la version extrême de l'ATS, là. C'est sûr que c'est pas donné, on parle d'une voiture telle que j'ai essayé, 88 000 $, là. Ça prend quand même un budget conséquent pour être capable de se payer ça. Mais personnellement, avoir cet argent-là, je pense que j'hésiterais même pas tellement que j'ai eu de plaisir. C'est confortable à l'intérieur. Il y a des sièges de course, puis Marc, tu le sais, des fois, quand ils mettent des sièges Recaro, des sièges de course à l'intérieur d'une voiture, ayant pas une taille de jeune fille, des fois c'est un peu serré. Hein? Mais ouais, effectivement. L'ATSV, c'est pas le cas du tout. On est vraiment confortable, on est bien assis. Il y a un bon support. Même ma conjointe, qui est un peu plus petite, qui des fois a de la misère avec ce type de siège-là, a dit j'ai pu y laisser pour une journée avec l'accord des gens de GM. Puis elle m'a dit oui, au début, je trouvais ça un peu bizarre, mais le siège est tellement ajustable, t'as tellement de manières d'ajuster le siège que c'est impossible de pas trouver une manière pour être confortable dans cette voiture-là. Si vraiment t'es pas capable de trouver une bonne position de conduite, c'est parce que t'as juste pas essayé, là. Le volant est ajustable aussi de manière électrique, fait que c'est super facile à ajuster. Oui, il y a le système Q à l'intérieur qui est pas le meilleur, mais c'est un système que je me suis habitué avec là, après avoir eu quelques Cadillacs. Au début, je le trouvais un peu pas convivial et tout ça. Oui, ça manque de boutons. Oui, des fois les boutons qui sont bon, c'est un bouton physique, mais c'est comme intégré dans la console, fait qu'il n'y a pas vraiment de bouton qui ressort. C'est comme faut vraiment toucher la console pour que ça monte, comme monter, descendre le volume. Des espèces de glissières avec lesquelles moi je me suis pas vraiment habitué, je dois le dire, et qui ne fonctionnent pas en hiver quand t'as des gants. Ça, c'est la partie qui moi m'a dérangé le plus, je pense. Ouais, c'est ça. C'est pas parfait, mais c'est un système qui pour connecter un téléphone Bluetooth, des choses comme ça, c'est vraiment comme hyper facile, là. Ça se connecte tout de suite, tu rembarques dans l'auto, tu démarres la voiture, le cellulaire se reconnecte tout de suite, va recommencer à jouer la musique ou peu importe ce que t'écoutais ou ce que t'étais rendu. Donc c'est vraiment un système qui, tu sais, fonctionne bien. C'est plus l'interface qui est à retravailler peut-être pour les gens de Cadillac, là, mais côté fonctionnalité, tout est là. Donc, j'ai trouvé ça quand même pas pire. Ouais, c'est sûr que, écoute, en termes de look aussi, il faut donner à Q ce qu'il a comme système. En termes de look, il est magnifique. Oui. Il est beau. Cette espèce d'écran tactile avec les glissières, ça donne un look vraiment particulier. Et l'ATSV, il l'a particulièrement bien intégré dans sa planche de bord. Moi, je trouve que ça, c'est très bien réussi. Ouais. L'ergonomie, l'usage, on pourrait en reparler longtemps. Ça, c'est un petit peu autre chose. Côté design intérieur, c'est vraiment joli. Il n'y a pas vraiment de plastique dur. Un petit peu, là, on voit un peu certaines places où on a peut-être diminué les coûts pour être capable d'arriver à une voiture d'un prix quand même astronomique. 88 000 $, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est quand même, t'sais, généralement, c'est très bien. Comme je disais, les sièges sont confortables, volant parfaitement ajustable. De l'espace en avant, de l'espace en arrière, le coffre est quand même assez immense. Fait que c'est comme un peu, t'sais, on pourrait presque dire que c'est une Corvette à quatre portes. L'ATSV est disponible en deux portes aussi, est disponible en quatre portes, donc vous pouvez l'avoir berline ou coupé. Mais c'est vraiment une voiture qui est magnifique. Puis l'agrément de conduite, le son du moteur. Tu sais, c'est une voiture, tu vas rouler sur l'autoroute, là, puis si tu, comme on dit, si tu rentres pas dedans, là, si tu conduis tranquillement, tu es un peu pépère, à 100 km/h, le moteur tourne presque pas. Là, t'es en bas du 2000 tours minute. Ça consomme presque pas non plus. C'est vraiment tranquille. T'as l'impression d'être dans une Cadillac bien ordinaire. Mais aussitôt que tu rentres un peu dans l'accélérateur, les turbos embarquent, puis c'est une bête complètement différente. Je suis en train d'écrire un article que je vais publier plus tard pour QGG, puis c'est vraiment ce que je dis, c'est comme si la voiture était bipolaire. C'est comme tu peux avoir une voiture hyper tranquille, tu sais, qui est vraiment posée et tout ça, puis mais quand tu décides de la pousser un peu, c'est une voiture qui va répondre immédiatement. Ça tient la route. Ouais. Mais en termes de look, par exemple, tu sais, c'est pas... Il y a certaines voitures, ce qu'on appelle des sleepers, là. Des voitures que tu regardes qui ont l'air relativement tranquilles, puis quand tu appuies sur l'accélérateur, ça marche. Dans le cas de la TSV, tu l'as précisé au début de la chronique, tu as le look qui va avec la puissance. Oui, oui, tu l'annonces. C'est annoncé quand tu arrives à une lumière rouge, mettons, ou que tu roules sur l'autoroute. C'est annoncé que tu es une bête, là. Il y a du fibre de carbone un peu partout. C'est sûr que c'est des options, parce que l'ATSV de base est quand même 66 000 $. La mienne avait 22 000 $ d'options pour se rendre à 88 000, là. Mais de base, elle est quand même 66 000 $, mais on n'a pas tous les appliqués de fibre de carbone et tout ça. On a une trappe d'air sur le capot qui donne vraiment une allure agressive. Il y avait une espèce de jupe avant là, qui te donne l'impression que c'est une voiture NASCAR. Des jupes de côté, un petit aileron en arrière. C'est vraiment une voiture qui annonce sa performance, là. Quand on la voit arriver, c'est pas comme si on avait un petit ATS bien normal puis qu'on avait caché un V6 double turbo en dessous. C'est annoncé que c'est une voiture de performance, mais des fois, tu as des voitures qui ont une certaine allure, mais qui ont pas qui a pas la mécanique pour aller avec cette allure-là. C'est pas le cas dans la TSV. Ça match ensemble. Là. C'est vraiment un tout. Puis, juste pour vous dire, ça fait plusieurs années que je fais ça. Ça fait plusieurs voitures qui sont dans mon entrée pour une semaine. C'est la première fois que ma femme me dit: avoir 100 000 $ à dépenser sur une voiture, c'est ça que j'irais me chercher. Puis ça, c'est, à mon avis, c'est tout un compliment pour cette voiture-là, parce que j'en ai eu des voitures dans mon entrée de toutes sortes, puis c'est vraiment ça que ma femme choisirait si elle avait 100 000 $ à dépenser. Donc, c'est peu dire. Effectivement. Non, mais écoute, elle a pas tort, là. C'est à la fois... En fait, ce qui est intéressant de la TSV, c'est que tu as à la fois le côté Cadillac... confort et qualité de finition, et à la fois, comme tu l'as dit, le côté Corvette de très sport et très conduite sportive. Alors, c'est effectivement un excellent mélange. C'est probablement la meilleure GM actuellement sur le marché. C'est fait qu'on est d'accord là-dessus. Côté consommation, j'ai pas les notes annoncées par GM là, avec moi, mais moi, j'ai terminé avec une consommation totale de 8,7 litres au 100 km. Mon plus bas sur l'autoroute a descendu à 8,4 litres au 100 km. Puis je vous le dis, oui, quand j'étais sur l'autoroute, je faisais attention et tout ça, mais quand j'étais capable de la pousser un peu pour avoir du plaisir, je l'ai fait, puis j'ai quand même réussi à avoir une moyenne de 8,7 litres au 100 km. C'est quand même assez exceptionnel pour ce genre de voiture-là. Là. Effectivement. J'avoue que je me rappelle pas de ma consommation, là, mais non, elle est pas très gourmande. Non, c'est très bien. Donc, si vous avez l'argent pour ce type de voiture-là, allez l'essayer. Si vous êtes capable de vous en payer une, je vous envie d'avoir ça dans votre entrée tout le temps. C'est une merveilleuse voiture. Donc, Marc, on va faire une pause, puis on va revenir après. Tu vas nous parler de ton expérience que tu as eue chez Porsche il y a quoi, quelques semaines? Ah, quelques jours à peine, c'était la semaine dernière, mon cher. Bon, fait qu'on fera une petite pause, puis on revient avec ça. Alors, nous sommes de retour, et Marc, pauvre petit toi, je suis vraiment désolé de ce que tu as à subir il y a, quoi, une semaine à peine. T'es allé pendant, quoi, deux jours conduire des Porsche sur des belles petites routes sinueuses de l'Ontario et du Québec, vraiment... Je sais pas comment c'était fait pour passer à travers ça. Ah, tu sais, quoi, c'est difficile, mais je me suis sacrifié. Ouais, comme on dit, c'est un travail difficile, mais quelqu'un doit le faire. Exactement. Ouais. Non, sérieusement, écoute, c'est vraiment ça s'appelle le Porsche Performance Tour. Okay. La façon dont ça fonctionne, en fait, c'est que ça c'est un événement qui s'adresse un peu comme le Cam4 qu'on avait fait ensemble, d'ailleurs, là, en zone hivernale. Le Porsche Performance Tour s'adresse à des clients qui ont envie de découvrir la gamme Porsche dans un autre contexte. Okay. Et il y en a deux. Il y en a un dans l'Est, il y en a un dans l'Ouest. Et ça dure trois jours. Les gens arrivent le matin, ils conduisent les voitures, on alterne évidemment les modèles, et au bout de trois jours, ben, on a parcouru pas mal la gamme et les différentes conditions. Pourquoi je dis ça comme ça? Parce qu'on va y aller jour par jour et tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est bon. Alors, le premier matin, on est parti, en fait, il faut savoir qu'on est une douzaine de voitures. Là, il y a sept modèles différents. Les 718 Boxster, Boxster S, mais les Porsche 911, la Carrera, Carrera 4, Carrera Targa et Carrera S qui sont là. Donc, on a ces véhicules-là et on se promène, on fait une randonnée. Là, nous, on est parti d'Ottawa et on se dirigeait vers la région de Montebello au cours de la première journée. Okay. Évidemment, on est passé par la partie ontarienne, l'ancienne route, là on a longé la rivière des Outaouais, évidemment en plein automne avec les couleurs absolument fabuleuses. Et on s'est promené là pour arriver à Montebello. À chaque 20 km ou à peu près, on arrête et on change de véhicule et de chauffeur. Okay. Donc, ça te permet donc de voir ce que la voiture est capable de donner dans des conditions assez standards sur une route ordinaire là, où on s'amuse quand même pas mal. C'est bon. Rendu à Montebello, tu connais l'endroit peut-être, le château Montebello. C'est aussi l'endroit où Land Rover a son école de hors-route. Oui, oui. Donc, c'est là qu'on est allé et on est allé sur le circuit de Land Rover hors-route avec des Porsche Cayenne. OK. L'idée, en fait, c'est de montrer que le Cayenne est capable de franchir des obstacles hors-route, d'aller se promener dans l'eau, dans la boîte. D'ailleurs, je vous invite à aller lire un texte que j'ai écrit sur le Huffington Post où j'en parle beaucoup. Vous allez voir les photos. Le Cayenne est dans l'eau presque jusqu'au pare-choc avant. On passe sans problème. On va aller escalader une butte de sable. On va vraiment faire des trucs en 45 degrés, littéralement. On est vraiment sur le côté. Ça, c'est la partie... Moi, j'aime beaucoup la route, là. Mais s'il y a quelque chose qui m'insécurise, c'est de rouler vraiment quand la voiture est penchée énormément de côté. Ouais, parce de que... face, ça me dérange pas trop, mais de côté, là, je me sens vraiment pas bien. Ouais, c'est facile de virer sur le côté si t'es un peu imprudent ou si tu braques trop les roues, quelque chose comme ça, c'est pas... Exactement. Je comprends pourquoi ça peut être insécurisant. Là, ouais. Mais eux disent que le Cayenne est capable d'atteindre jusqu'à 50 degrés. Nous, on a arrêté à 45. Ouais, c'est bon. Je vais te dire que c'est bien assez 45. Ouais, ça commence à être pas mal incliné. Effectivement. Et par la suite, on nous a amené dans un secteur un peu plus vallonneux où là, vraiment, c'est des bosses qui permettent de littéralement tordre le châssis du véhicule. Donc, de se retrouver avec un Cayenne sur trois roues où il fallait vraiment assurer la transition du poids de l'avant vers l'arrière. Donc, ça nous a permis de constater que, peu importe les conditions, honnêtement, le Cayenne s'est fort bien débrouillé. Okay. Est-ce que je l'amènerais dans du hors-route extrême, genre le Rubicon Trail ou des trucs comme ça? Vraisemblablement pas. D'une part parce qu'il n'y a pas la garde au sol nécessaire, d'autre part parce que malgré toutes ses prétentions, bien que ce soit un 4 roues motrices qu'on peut verrouiller avec un contrôle d'aide à la descente, ça demeure quand même un utilitaire sport plutôt qu'un véritable aventurier. Alors non, je ne l'aurais pas fait. Sauf ouais. que ce qu'on nous a dit, et que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'ils ont testé ce véhicule-là, le Cayenne Turbo, entre autres, en route. Faut vouloir, là, ça vaut 200 quelques piastres. Mais ils sont allés se promener en route et ils l'ont par la suite amené avec les mêmes pneus sur une piste où il a battu le 911 de base. OK. Alors, il n'y a quand même pas beaucoup de véhicules que tu peux dire que tu vas aller te promener dans la boîte puis que par la suite, tu vas aller te promener sur une piste et que tu vas atteindre des performances semblables. Oui, mais on s'entend, là, la majorité, voire la totalité des propriétaires de Cayenne n'amèneront pas leur voiture en route. Non. Ce qu'il nous disait, en fait, c'est qu'il y a à peu près 2% des gens qui vont vraiment l'amener dans des hors-routes un peu plus extrêmes. Ouais, c'est ça. Sauf que ce qu'il aussi nous disait, c'est qu'il y a à peu près 30% des propriétaires de Cayenne qui ont aussi un chalet avec des routes parfois assez accidentées. Et il voulait nous prouver, en fait, que le camion était capable de les rallier sans trop de difficultés. OK. Non, c'est louable. La voiture est capable de le faire. C'est pareil comme les Range Rover, les Land Rover. Personne n'amène vraiment ça en route, là, parce qu'au prix que ça vaut, tu veux pas les endommager, là. Fait que, tu sais, quand même. C'est ça. Ouais, c'est bon. Deuxième journée, on partait du château Montebello. Et là, on est allé se promener dans le parc de la Gatineau. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller dans ce coin-là. Non. Aller à Ripon, aller à Wakefield, entre autres. Écoutez, si vous êtes jamais allé, ne serait-ce que pour le côté touristique, faites-le. Ça vaut vraiment la peine. D'une part, les routes sont absolument magnifiques. Des petites routes sinueuses, vraiment agréables. Comme je l'ai dit, je me répète, on était dans la saison des plus belles couleurs. En plus. C'était absolument incroyable. Mais arriver à Wakefield, par exemple, c'est particulier parce que là, il y a un chemin de fer qui arrête à Wakefield. Et rendu là, on a une plaque tournante qui fait tourner la locomotive et le train part dans l'autre sens. Okay. C'est assez particulier. C'est pas mal le bout du monde. Endroit... Ouais, c'est vraiment un endroit où il y a des petits restos, il y a des petites boutiques. C'est vraiment, moi, ça m'a beaucoup étonné. Et on est revenu par le parc de la Gatineau. Et là, bien évidemment, c'était l'occasion de tester les Porsches en termes de tenue de route, en termes de comportement routier, vraiment. Et là, on pouvait jouer avec les modes sport, sport plus, savoir vraiment comment ça se déplaçait, comment ça se comportait en freinage, mettons qu'on a pris des virages un peu plus appuyés aussi. Honnêtement, là, c'était le temps de se promener aussi avec le toit baissé parce qu'il faisait quand même 22 degrés. Et les gens qui étaient avec nous, et ça, c'est particulier, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont déjà des propriétaires de Porsche. OK, ouais. Des gens la plupart avaient des Boxster, mais qui ne les avaient jamais exploités à ce niveau-là. Tu sais, c'est des gens qui achètent la voiture, qui vont rouler en ville, qui vont rouler en banlieue, mais qui ne feront pas nécessairement de longues randonnées avec leur véhicule ou qui n'essaieront pas d'atteindre la limite de la voiture. Or, ces gens-là, là, avaient l'occasion de le faire. Et ça a été aussi très agréable. Je pense entre autres à Mario, un gars de Montréal qui a une Boxster depuis 14 ans et qui disait: je ne verrai plus jamais ma voiture de la même façon. Oui, ben, les gens oublient peut-être parce que c'est des Porsche de base, la Boxster, puis la Cayman, que c'est des voitures qui sont quand même capables de faire des choses assez extraordinaires. Une Porsche reste une Porsche, là. À mon avis, pour moi, là, ma Porsche préférée, c'est la 718 Boxster. Je trouve que d'une part, elle est cabriolet, ce qui n'est pas négligeable. D'autre part, ce qui est aussi fort intéressant, c'est qu'elle est très, tellement bien équilibrée. La répartition du poids est idéale. C'est sûr que c'est moins puissant qu'une 911, mais ça a une tenue de route absolument incroyable. Moteur central, c'est vraiment, vraiment le fun. Ouais. Moi, je t'ai toujours dit, Et enfin, ma Porsche de rêve, c'est une Cayman, c'est pas une 911. Je me c'est ça. contenterais parfaitement d'une Cayman. Effectivement, je comprends très bien. Et finalement, la troisième journée, ben là, c'est la journée où on se fait plaisir, où là, on s'est retrouvé dans la banlieue d'Ottawa, sur la piste de Kalabougie. Et là, c'est sur la piste, et là, c'est le pied dans le fond à essayer. Pas tout à fait, parce qu'on avait quand même quelqu'un devant nous qui ouvrait la route, là, et que les gens qui étaient avec nous n'étaient pas nécessairement des pilotes chevronnés. Ouais. Même moi, je suis pas capable de mettre une Porsche le pied dans le fond sur un circuit. Donc, vraiment, c'était quelque chose d'assez particulier parce que ça aussi, ça a permis de voir vraiment comment la Porsche se comportait. Donc, on a vraiment exploré toutes les facettes des voitures Porsche. Et ça, c'est particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de manufacturiers qui font faire ce genre de choses-là. On va parler un petit peu plus tard de Jaguar qui a fait sensiblement la même chose. Mais, donc, c'est vraiment ça. Alors, c'est ça le Porsche Performance Tour. La particularité, et ça, je vais conclure là-dessus, il y avait avec nous un couple de Calgary. Le couple de Calgary était propriétaire d'un Cayenne. Ils ont décidé d'aller faire le Porsche Performance Tour dans l'Ouest. Quand ils sont revenus de là, monsieur s'est acheté une 911. Ils ont fait le Cab 4 en hiver. Ils ont adoré ça. Et là, ils ont décidé de venir faire le Porsche Performance Tour de l'Est, monsieur et madame. Et là, madame veut s'acheter une Boxster. Mais j'ai trouvé très drôle le monsieur qui a parlé aux gens de Porsche en disant: vous savez, c'est la première fois dans ma vie qu'on me fait payer pour faire un road test. Ouais, c'est à peu près ça. Mais lui est venu tester et comme il dit, c'est vraiment l'occasion de découvrir la voiture dans un autre monde. Ce n'est pas que réservé aux propriétaires de Porsche. Tout, n'importe qui peut s'y inscrire. Ça arrive deux fois par année. C'est sûr que c'est pas donné. On parle de 4 000 $ ou à peu près. Mais ça inclut l'hébergement, ça inclut tout et ça inclut surtout 3 jours au volant des Porsches. Honnêtement, c'est une expérience que je n'ai pas regrettée du tout. Super. Donc, on parlera peut-être aussi du Cam 4 qu'on n'a jamais fait, on a fait ensemble, on n'a jamais parlé ensemble. Faudrait peut-être, l'hiver s'en vient, il serait peut-être bon de parler du Cam 4 dans quelques émissions, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Effectivement, c'est la version très extrême de la Porsche. Super. Et là, on va faire une pause, mon cher, et au retour de la pause, ça va être à ton tour de nous parler de ton expérience au volant de voitures qui sont pas nécessairement très, très, pas dispendieuses non plus, les Jaguars. Alors, on est de retour. Moi, j'ai passé quelques jours au volant des Porsche. Mais toi, Luc, tu as l'occasion d'aller vivre une expérience un peu particulière qui t'a mis, disons, au volant d'une voiture que tu n'avais pas encore eu l'occasion d'essayer, mais je pense que tu as bien apprécié. Oui, j'ai été invité par Jaguar Land Rover pour aller. Bon, c'était au circuit Gilles Villeneuve. C'est aussi un événement où Jaguar invite des propriétaires, des possibles propriétaires du monde qui vont s'inscrire sur leur site et certains journalistes aussi à aller essayer leur véhicule. Bon, ça se passait au circuit Gilles Villeneuve un merveilleux jeudi après-midi d'octobre. Ma foi, on a su assez une belle année. Je me suis dit, pour être capable d'aller conduire ce type de voiture-là, quand il fait 21-22 degrés, on a vraiment un été incroyable. Rendu au mois d'octobre, j'aurais pas pensé que c'était possible. J'aurais pensé être obligé de faire ça avec un petit manteau sur le dos. Mais non, j'ai laissé mon manteau dans la voiture, puis j'ai été capable de passer la journée au complet au soleil avec des voitures vraiment magnifiques. Donc, ce que Jaguar a fait, c'est qu'ils ont invité des gens. Puis, ils nous faisaient essayer la majorité de leur gamme de voitures. Bon, il y avait des voitures un peu plus grosses, comme la XJ puis la XF qu'on n'a pas conduit. Mais ils nous ont fait conduire le nouveau F-Pace, le nouveau petit VUS Sport que Jaguar vient de mettre sur le marché. Aussi, qui est magnifique en passant. Qui est vraiment joli. La Berline XE, qui est aussi jolie, là, qui est vraiment une magnifique voiture. Et puis, à la surprise de tout, moi, dans l'invitation, c'était marqué, bon, vous allez pouvoir conduire le F-Pace et puis la XE sur un circuit fermé, bon, avec des instructeurs et tout ça. Mais nulle part dans l'invitation, ça marquait qu'on pouvait aussi essayer la F-Type. Donc, on va commencer par les voitures un peu plus régulières, puis après ça, je vais finir avec la F-Type. On a commencé, le premier véhicule que j'ai conduit, c'est la Jaguar XE. Puis pour faire ça, Jaguar avait créé une espèce de... Et puis c'est vraiment une première, là, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment travaillé vraiment fort là-dessus parce que c'est assez compliqué, ça implique une localisation GPS. C'est des GPS de l'armée, là, vraiment à comme quelques centimètres, quelques pieds de précision. Parce que vos GPS que vous avez dans vos voitures, là, on parle d'un 1 mètre, quelques mètres de précision. C'est pas ultra précis, c'est pas des GPS de l'armée. Jaguar utilise des GPS vraiment de l'armée, donc c'est ultra précis. On sait exactement où la voiture se trouve sur la planète. Puis ça prend ça pour faire fonctionner le système. Ce qu'ils ont fait, il y avait des cônes, ce qu'ils appellent des cônes intelligents. C'est un cône avec des lumières d'ailes sur le dessus. Et puis, fallait conduire la voiture, partir d'un point A, et puis à passer entre les cônes qui étaient allumés en vert. En vert. Puis le prochain était allumé en bleu. Mais le système, bon, il rentrait notre nom et nos informations, puis le système allait garder le temps que ça nous prenait à faire l'exercice, si on passait tous les cônes, à quelle distance qu'on passait les cônes, est-ce qu'on prenait les virages comme il faut, le système gardait plein de données. Et puis, il fallait passer à travers les cônes qui allumaient. C'était aléatoire. Donc, si tu faisais l'exercice 2-3 fois, tu n'avais jamais exactement le même circuit parce que c'était jamais les mêmes cônes qui allaient allumer. Puis, des fois, tu avais un cône, les deux cônes qui allumaient, fallait que tu passes entre les deux. Puis, le prochain cône qui allumait en bleu pour te dire qu'il allait être le prochain, il était complètement à gauche ou complètement à droite ou même des fois presque en arrière de toi. Fait que là, fallait que tu fasses un virage serré pour essayer d'aller t'enligner vers ce cône-là le plus rapidement possible, le plus précisément possible, puis pour t'enligner après ça pour les prochains deux cônes qui allaient allumer. C'était vraiment super. J'ai quand même fait bien. Juste à un moment donné, on avait un instructeur avec nous, puis il disait, bon, ben le prochain va être à gauche, fait que prépare-toi à aller à gauche. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, il m'a dit gauche, puis je suis allé plus à droite. Il m'a dit non, c'était l'autre gauche. Puis il a fallu que je revienne de bord pour me rendre au cône. Mais c'était vraiment amusant. Puis ça nous a fait remarquer que même si la XE, c'est quand même une grosse berline, là, on parle d'une berline peut-être de la grosseur d'une Ford Fusion, quelque chose comme ça, elle est légère, puis elle est extrêmement maniable, ce qui est un peu ce que Jaguar essaie de mettre de l'avant. Là, c'est plus côté sport. Tu sais, Land Rover fait des VUS vraiment qui classifie de hors-route et confortable, tandis que le F-Pace, ben, c'est plus comme sportif, un VUS sportif. Ben, c'est la même chose pour la berline XE. C'est une berline avec des caractéristiques un peu sportives. On a su qu'elle était disponible avec un moteur diesel ou un moteur à essence. Nous, on avait juste des versions à moteur à essence sur place, mais c'est une voiture qui avait l'air légère. J'ai resté surpris comment la direction était précise, comment la voiture accélérait bien, elle prenait bien les courbes. Tu n'avais pas l'impression que tu avais une berline vraiment pesante entre les mains. Tu avais l'impression que tu avais une voiture un peu plus sportive qu'une grosse berline 4 portes avec une finition intérieure quand même assez soignée, un confort vraiment, vraiment extrême. Puis, une allure qui est quand même assez luxueuse. On parle que c'est une Jaguar, là. C'est quand même très, très joli. Puis, on s'entend, ça, c'est plus les Jaguars de là quelques années, dans le temps que Jaguar appartenait à Ford. Là, ils ont fait vraiment un pas de géant depuis ce temps-là. C'est vraiment des voitures qui sont magnifiques. Ça paraît que c'est une voiture de luxe. Là, ça n'a pas l'air juste de quelque chose d'ordinaire un peu. Là, mais malgré tout, la XE n'est pas très dispendieuse. Là. Non, non, la XE quand même, c'est le modèle d'entrée de gamme chez Jaguar. Là. Si une XE vous intéresse, là, ça part à 45 000 $. Avec moteur diesel. Ce que j'ai resté surpris quand tu regardes les prix, c'est que la version moteur diesel est moins dispendieuse que la version essence. La version diesel est 45 000 $ prix de départ. Puis ça c'est la diesel. Puis la essence est 48 500 si on part avec le modèle de base. Si on compare ça, là, une fusion platinum, fait que la fusion la plus équipée, monte à 44 500. Donc pour le prix d'une fusion tout équipée, ben, vous pouvez avoir une Jaguar de base. Fait que c'est à vous à décider. Puis c'est quand même bien équipé. Là. La Jaguar de base vient avec des sièges en cuir et tout ça. Il n'y a pas toute la technologie et tous les gadgets. Là. Mais ça reste que vous avez une voiture qui est quand même bien équipée. Quelque chose qui sort un peu du lot pour à peu près le prix d'une fusion la plus équipée. Fait que moi, je trouve ça quand même. Ouais, mais ça, c'était ça l'idée. Hein. C'était pour ça que Jaguar, il voulait démocratiser un peu. Il l'avait commencé avec certaines de leurs voitures. Et là, la XE, c'est vraiment la clé vers ça, là, atteindre des gens qui autrement... Parce que, tu sais, le créneau des marchés des voitures de luxe est en progression, ouais. Mais on avait besoin de véhicules un peu plus abordables. C'est ça. Fait qu'avec ça, on va chercher une clientèle un peu différente. Puis, je vous dis, c'est une voiture qui est extrêmement agréable à conduire. C'est une berline sportive. Fait que c'est puis quand on la regarde un peu, on parlait de l'ETS tout à l'heure, tu sais qu'il y avait des voitures sleeper, mais quand tu regardes, ça a pas l'air d'une voiture si sportive que ça, mais elle a un comportement sportif. J'ai vraiment aimé la XE. Après ça, on a fait le F-Pace. F-Pace qui est aussi capable qu'un Land Rover. Là, si on regarde, c'est une voiture, on a été essayer des Land Rover, ils nous ont monté ça sur une espèce de si vous allez voir sur le compte Facebook de Ça Roule Radio, j'ai mis ça en ligne. Ils ont une espèce de setup avec une pente hydraulique qui est capable de faire de changer le niveau de dénivellation, puis ils ont fait ça avec ils nous ont fait faire ça avec des Land Rover en tant que passager. Mais la personne qui était un des instructeurs, justement, tu parlais de Montebello. Les personnes qui étaient là, c'était des instructeurs qui sont à Montebello, nous faisaient faire l'espèce de pente. Puis la personne me disait, ah oui, moi je l'ai fait hier avec le F-Pace, puis il est aussi capable que les Land Rover de faire la même chose. C'est juste que la garde au sol est un peu plus basse. Il est plus sportif, mais il est capable autant de faire ces pentes-là que les Land Rover sont capables de le faire. Donc c'est vraiment un vrai, vrai VUS, même si il y a une connotation un peu plus sportive. Aussi agile, lui aussi, on n'a pas l'impression qu'il est pesant, il a l'air léger, c'est vraiment un bon VUS, des bonnes accélérations, on le mettait en mode sport ou en mode normal, quand on le mettait en mode sport, on voyait qu'il voulait, là. Les accélérations étaient plus franches, la suspension vient un peu plus rigide, donc les courbes se prennent mieux, tu voyais la différence, puis il y a beaucoup de voitures que tu le mets en mode sport, en mode normal ou en mode éco. En mode éco, tu le sais, parce que ça te coupe la puissance quasiment à zéro. Mais en mode normal ou en mode sport, c'est comme, bon, non, pas vraiment de différence. Dans l'F-Pace, il y a vraiment une différence entre les deux. On sent les suspensions plus rigides, la direction plus précise. Les Jaguars, en général, quand tu joues avec les modes, tu le ressens pendant ça. Ça paraît, c'est ça. Ça paraissait avec le F-Pace. Confortable, bien fini à l'intérieur. Un petit peu de plastique dur dans les portes, là, mais rien d'extrême. Je me suis assis à l'arrière, j'avais beaucoup d'espace à l'avant. Le système de divertissement, beaucoup plus réceptif que ce que j'ai essayé la dernière fois dans un Range Rover où c'était vraiment... Non, c'était presque inutilisable. Je pense que tu avais fait 2 km puis le système audio finissait de booter. Là. C'était vraiment pas... Mais on est vraiment à autre part. Ce que je trouve c'est intéressant... Quand tu regardes l'écran, tu peux personnaliser l'écran avec les cadrans de vitesse et tout ça comme tu veux. Tu peux mettre ce que tu veux vraiment. Tu peux même mettre le GPS plein écran là, puis des informations de vitesse vont être en bas. Mais ça te montre aussi combien tu as de passagers dans la voiture et exactement où sont assis. Fait que t'as 3 passagers, mais tu vois que t'as 2 passagers en vert sur l'écran en avant parce que t'es assis 2 en avant. Puis tu vois si le passager arrière est assis à gauche, t'es assis à droite parce qu'il est en vert, puis les autres sont comme vides ou en rouge. Là. Fait que c'est vraiment bien aussi. Il va être en rouge s'il a pas attaché sa ceinture. Ah, c'est ça. Puis il est en vert, sinon il y a rien. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Un beau petit VUS, le F-Pace, ça commence à 50 900, la version diesel encore. Version à moteur à essence est à 54 900. Mais vous pouvez monter ça jusqu'à 83 000 parce qu'il y a possibilité de rajouter 15 000 pièces d'options. Ben ça, regarde, c'est toujours le cas. Là, les voitures anglaises, c'est ça. Là. Ben, les voitures allemandes aussi, c'est tout pareil chez BMW et tout ça. Donc, il y a une possibilité de personnaliser ça un peu comme vous voulez. Dernière voiture qu'on a essayée, la F-Type. C'était un peu un rêve réalisé pour moi parce que j'ai toujours aimé la F-Type. La F-Type qui est, à mon avis, une des plus belles voitures construites présentement. Elle est magnifique et le son qui sort de cet échappement-là et à vous faire dresser le poil sur les bras. Quelle version vous avez essayé? On a essayé la plus puissante. Fait que je pense que c'est la SVR. Ça se peut-tu? J'avais essayé la SVR. Ben, on parlait de 500 quelques chevaux. Puis quand je regarde sur le site de Jaguar, la seule à 500 plus chevaux, c'est la SVR. Mais regarde, on a fait ça tellement rapidement qu'on n'a même pas eu le temps de voir la voiture. J'ai pas eu le temps de prendre de photos vraiment de la voiture. C'était un à l'intérieur, on sort, on part, on fait le tour de piste, on débarque, on laisse la place à l'autre. Fait que j'ai pas eu le temps de vraiment. Puis la F-Type, ça a été vraiment la plus occupée, là. Fait que j'ai pas eu le temps de la faire autant que j'aurais voulu. La version exacte, je peux pas te le dire, malheureusement. Là, j'ai même pas eu le temps de la regarder. Mais c'était extrêmement puissant. Le son qui sortait de là était incroyable. Les accélérations étaient incroyables. C'était précis. C'était vraiment. J'aurais pris une après-midi complète de juste de F-Type tellement que c'est incroyable. Là. C'est une voiture magnifique après ça. Comme j'ai dit, c'est d'après moi une des plus belles voitures sur le marché présentement. Et on a appris que Jaguar avait dépensé 2 millions de dollars juste pour trouver ce son d'échappement-là. Fait que ça a coûté 2 millions pour le son que vous entendez qui sort de la F-Type. C'est quand même, non, c'est possible. C'est quand même pas pire. Effectivement, c'est un monstre. Mais tu vois, c'est la type R, là, la F-Type R, ouais. Qui arrive de série avec le V8 de 5 litres, 550 chevaux. C'est probablement elle. C'est vraiment, moi je l'ai eu pendant quelques jours et c'est une voiture qui est absolument spectaculaire. Oui, ah, c'est merveilleux. C'est super. Vraiment, vraiment. Ouais, c'est pas si cher que ça. Je pense qu'une F-Type, ça commence dans les 60 000, mais ça, vous pouvez monter ça jusqu'à 124 000 avec la plus équipée. Là, et la plus, ben, la si plus tu prends puissante. Celle-là, là, qui est la R, qui est pas la, qui est la coupée, là, je te parle pas de la cabriolet, mais de la coupée, ouais. On parle de 118 000 $ à peu près. Fait que c'est quand même cher, mais tu sais, bon, c'est une voiture. C'est 2 200 par mois. Oui, c'est pas juste ça. C'est pas super. Faudrait que je me trouve deux, trois autres jobs, puis je pourrais me payer. Donc, c'est ça, exactement. Ouais, donc, c'était vraiment un super après-midi. Merci aux gens de Jaguar de m'avoir invité. J'ai eu beaucoup de plaisir, puis j'ai pas eu la XE. C'est juste, bon, faudrait que je regarde mon budget à un moment donné, voir si je peux me rendre jusque-là, mais ce serait difficile. Donc, Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, écoute, évidemment, ils suivent tout ce qui est sur NetMedia 360, c'est-à-dire EcoloAuto.com, VUSMag.com, LuxuryCarMagazine.com et AutoFeminin.com. Je suis aussi sur le Huffington Post Québec dans la section auto. Et ils peuvent me rejoindre, bien sûr, sur Twitter, Marc_Bouchard, ou sur Facebook, à Marc Bouchard. Je pense que c'est l'endroit le plus facile. Et par courriel, notre courriel commun. Ouais. Que info, tu vas dire, parce que je m'en souviens encore pas. info@saroulradio.com. Vous pouvez aussi suivre Saroule Radio sur Twitter, sur Facebook. On a notre site internet, saroulradio.com, où vous pouvez trouver les émissions. On est disponible sur plein de radios internet. On est aussi disponible sur iTunes et sur Google Play. Donc, puis moi, vous pouvez me lire sur le site de Kijiji OFR, kijijiblog.ca, dans la section véhicules. Donc, ça fait pas mal le tour. Donc, Marc, merci encore une fois d'avoir fait cette émission avec moi cette semaine. Et puis, plaisir, c'est notre 30e. Hein? C'est notre 30e, mais oui, on a oublié de le mentionner en partant. C'est notre 30e cette semaine. On va revenir pour une 31e. Comme j'ai dit au début d'émission, ce sera peut-être pas la semaine prochaine. Tout va dépendre de comment ça va aller de mon côté, là. Mais s'il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, on va être de retour dans la semaine suivante. Donc, merci de nous suivre. C'est grâce à vous si on fait cette émission-là. J'espère que vous appréciez. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye-bye.